Ladies and gentlemen, yeah. I'm like you. Was walking away, and one guy just told me, yeah, there's something. Yeah, just ask me. If I got one thing, then just talk about something. Yeah, and I'm just sitting in the city, sitting in my wagon one day. You understand? Yeah. Yeah. I'm just sitting in my bank account. We'll be right back. enregistre ça? Tu veux jouer le truc de tout à l'heure? J'espère que tu le vois. Yeah. demain. J'espère que tu le vois. J'espère que tu le vois. J'espère que tu le vois. Te donne les clés. j'ai vu un jour au loin des gens demander de l'aide à son voisin sans même t'enlever. Mais au loin, j'ai vu un voisin demander de l'aide à son voisin. Celui-ci n'a même pas renié à ce que j'ai bu. Je l'ai pas cru, oh. Dans ce pays, les gens ne sont plus humains. Oh, dans ce pays, les gens, certains ne sont plus humains. Oh, dans ce pays, les gens, certains ne sont plus humains. Oh, j'ai vu cette personne demander à son voisin des choses où l'entrevoiser. J'ai vu les gens retourner, j'ai vu les têtes se retourner, oh. J'ai vu les gens se retourner, j'ai vu les têtes se retourner face à ces gens, face à ces gens qui n'avaient rien demandé de vous être grand, face à ces gens, face à ces gens qui n'avaient rien demandé, seulement de grandir simplement, oh, oh. Mon pays va mal. Oh, baby, mama, oh, oh, baby, mama, oh, oh, rien qu'à voir ces gens, oh, oh, baby, mama, oh, oh, mon baby, mama, oh, oh, mon baby, mama, rien qu'à voir les gens, s'ils veulent, s'ils demandent, oh, ce que tu as vu, ce que tu demandes, et c'est d'apprivoiser. Tu peux l'avoir à tes côtés, tu essaies de t'en tirer. Ce que tu veux, ce que tu souhaites avoir, tu peux l'avoir à tes côtés. Tu peux simplement l'apprivoiser, pour l'avoir avec toi. Attire-le, attire-le bien, tu souhaites en revoir. Attire, attire-le. Tu souhaites envers toi, oh. Tu souhaites envers eux, oh. Yeah. Mon pays va mal, ce que je vois autour de moi et dans les infos, tout ça me rend parano. Mon pays va mal, oh. Mon pays va mal. Ce que je vois autour de moi et dans les infos me rend complètement parano. Aïe aïe.